Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Voici la leçon 46. La phrase clé est... 帰国する前に雪を見ることができて幸せです. Je suis heureuse d'avoir pu voir la neige avant de rentrer dans mon pays. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Après la fête d'anniversaire d'Anna, Kenta lui a offert de la raccompagner à son dortoir. Alors qu'il sortait, la neige a commencé à tomber du ciel nocturne. Écoutons le sketch de la leçon 46. La phrase clé est... 帰国する前に雪を見ることができて幸せです. Je suis heureuse d'avoir pu voir la neige avant de rentrer dans mon pays. もしかして雪? これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ? 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 Laissez-moi vous expliquer le sketch. Anna est originaire de Thaïlande. C'est donc la première fois qu'elle voit de la neige. もしかして, yuki? Mais, il neige? もしかして, signifie, on dirait. Yuki. C'est neige. Il s'agit d'une question pour laquelle on hausse l'intonation à la fin. Kenta répond. これは粉雪. C'est de la poudreuse. これ. Signifie ceci, ce. Wa. Est la particule qui indique un sujet. Konayuki signifie neige poudreuse. Kona no youni sarasara shiteiru desho? Elle est aussi légère et fine que de la poudre, non? Kona signifie poudre. Kona no youni signifie comme de la poudre. No youni c'est comme, similaire à. Sarasara veut dire légère, sèche et fine ou faite de très petits flocons. Il s'agit d'une onomatopée. Peut-on utiliser sarasara pour autre chose que la neige? On peut l'utiliser pour décrire le sable sec ou le fait de pouvoir facilement se peigner les cheveux. Ensuite, している est la forme du dictionnaire du verbe しています. Être dans l'état de. Si l'on emploie しています avec un mot descriptif, on exprime le fait qu'une chose est dans l'état identique à la manière dont elle est décrite par ce mot descriptif. Desho signifie « n'est-ce pas ?» C'est la forme abrégée et familière de « desho ». Nous avons appris plutôt que « desho » exprime une estimation. C'est la même chose ici ? Non. Si l'on dit simplement « desho » en haussant l'intonation comme ceci, « desho », on vise à rappeler quelque chose à notre interlocuteur, ou bien à lui confirmer quelque chose qu'il sait déjà. Anna dit. Je suis heureuse d'avoir pu voir la neige avant de rentrer dans mon pays. Kikokusuru signifie rentrer dans son pays, retourner dans son pays. Kikoku signifie un retour de quelqu'un dans son pays. Suru est la forme du dictionnaire du verbe shimasu, faire. Si on les joint, kikoku shimasu devient alors un verbe qui signifie retourner dans son pays. C'est juste? En effet, l'année d'études à l'étranger d'Anna touche à sa fin. Mae est une expression qui signifie avant. Elle est composée de mae plutôt que quelque chose et de ni, une particule qui indique le temps. Yuki signifie neige. O est une particule qui indique l'objet d'une action. Vous connaissez « miru », n'est-ce pas? C'est la forme du dictionnaire de « mimasu », voir. « Koto » signifie l'action de faire quelque chose. Si la forme du dictionnaire d'un verbe est combinée avec « koto », on obtient un nom. Donc « miru koto » signifie l'action de voir. Adrien, certains verbes deviennent-ils des noms si leur forme du dictionnaire est combinée avec « koto » ? Oui, en effet. Na est la particule qui indique un sujet. Dekite est la forme en T du verbe dekimasu, pouvoir faire, être capable de faire. Ici, la forme en T est employée pour indiquer la raison ou la cause de ce qui est exprimé dans la phrase qui suit. 幸せ signifie heureux, bonheur. です est une expression polie placée à la fin d'une phrase. On dirait qu'Anna est heureuse de pouvoir voir la neige avec Kenta. Sur ce, écoutons de nouveau le sketch de la leçon 46. La phrase clé est 帰国する前に雪を見ることができて幸せです. Je suis heureuse d'avoir pu voir la neige avant de rentrer dans mon pays. もしかして雪? これは粉雪. 粉のように サラサラしているでしょ? 帰国する前に雪を見ることができて幸せです. Passons à notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Nous avons appris aujourd'hui l'expression « Kikoku surumaeni » avant de rentrer dans mon pays. Veuillez nous préciser comment utiliser « maeni » avant. Demandons à notre professeur. Avant est une expression qui met l'emphase sur ce qu'on fait ou a fait avant de faire quelque chose. Les verbes prennent la forme du dictionnaire lorsqu'ils sont suivis de « maeni » avant. Même si une phrase entière est au passé, un verbe se met à la forme du dictionnaire devant « maeni », même si cette forme indique le présent. Alors, que dit-on en japonais pour « avant de manger un repas, je me suis lavé les mains » ? Repas, c'est « gohan ». Manger, c'est « tabemasu ». Sa forme du dictionnaire est « Taberu. Main, c'est te. Laver se dit araimasu. Et sa forme au passé est araimashita. Ce qui donne gohan wo taberu mae ni te wo araimashita. Par ailleurs, on emploie ato de. Après, lorsque l'on veut mettre l'emphase sur ce qu'on fait ou a fait après avoir fait quelque chose d'autre. On utilise la forme en ta des verbes devant ato de. Comme vous le savez, la forme en « ta » s'utilise pour le passé et au passé composé. Mais dans ce cas, même si la phrase entière est au présent, on emploie la forme en « ta » devant « ato de ». Alors, essayons de dire « après avoir mangé un repas, je fais la vaisselle » en japonais. La forme en « ta » de manger est « tabeta ». La vaisselle, c'est « sara ». Mais pour être poli, on dira « osara ». Ce qui donne « gohan wo tabeta ato de ». En résumé, les verbes prennent la forme du dictionnaire devant maeni, avant, et la forme en ta devant atode, après. Pour les mémoriser, rappelons-nous qu'ils s'emploient ensemble. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique intitulée « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Chira-chira. Chira-chira. Sert à décrire, par exemple, des morceaux petits et légers, comme les flocons de neige qui flottent dans l'air. La neige tombe chira-chira, n'est-ce pas? Et si elle continue à tomber pendant un bon moment, on dit... Con-con. Con-con, je vois. C'est le même son descriptif que pour la toux. Intéressant. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons, aujourd'hui, nous vous avons parlé de tira tira et de con con. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique les tweets d'Anna. Konayuki décrit la neige légère. La neige qui contient beaucoup d'eau est appelée botanyuki. Botan est le nom d'une fleur. Les gens disent que les gros flocons de neige ressemblent aux pétales blancs des botans, les pivoines. Vous avez apprécié la leçon 46? La phrase clé aujourd'hui était... Kikokusuru maeni, yuki o miru koto ga dekite shiawase desu. Je suis heureuse d'avoir pu voir la neige avant de rentrer dans mon pays. La prochaine fois, nous suivrons Anna alors qu'elle assiste à son dernier cours à son université. Soyez des nôtres pour cette prochaine leçon.